Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'aventure du Concorde. Concorde en vol, nez baissé, train d'atterrissage sorti, ressemblait à un oiseau préhistorique très pur. Il décolla sur 4600 pieds seulement de piste, grimpa à 4000 pieds minute, brûla 14 tonnes de carburant et s'immobilisa, parachute frein ouvert, après 28 minutes de vol, à une vitesse de 180 000 heures. C'est le 2 mars 1969 que le Concorde effectue son premier vol d'essai. Des millions de téléspectateurs vont regarder en direct la retransmission de ce premier vol du Concorde. La silhouette de l'avion, sa puissance et sa vitesse en feront un objet de fascination et transformeront très bientôt le Concorde en véritable avion mythique. C'était l'avion qui mettait New York à 3 heures de Paris. Donc c'était l'avion qui rapprochait les peuples. C'était l'avion qui prouvait que tout était possible. C'était l'avion où on quittait Paris à 11 heures du matin et on arrivait de l'autre côté à 9 heures du matin. C'était l'avion qui arrêtait le temps. C'était l'avion qui remontait le temps. Concorde, c'était plus qu'un symbole, c'était un mythe volant, comme il y a des mythes vivants. Parce qu'il représentait tout ce que les gens avaient envie d'être. La finesse, l'élégance, l'esthétique, tout en étant au-dessus des autres, mais sans vraiment la ramener, parce qu'à l'intérieur de Concorde, on était beaucoup moins bien qu'à l'intérieur d'un, ordinaire, d'un Airbus normal. On était même moins confortable qu'un Airbus normal. Et donc, ça faisait partie du jeu que de payer d'un peu de sa personne ce bonheur exceptionnel d'être là-haut. Le publicitaire français Jacques Séguéla au micro de Louis Lemieux le 31 mai 2003, jour du dernier vol commercial d'un avion Concorde d'Air France. Pour nous raconter la formidable aventure du Concorde, je reçois l'historien Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour Jacques. Commençons par cet aspect mythique dont parlait le publicitaire Jacques Séguéla. Qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui nous fascine encore aujourd'hui tant et qu'est-ce qui à l'époque nous fascinait tant dans cet avion? Je suis très étonné que votre publicitaire n'ait pas évoqué le terme principal pour décrire le Concorde, c'est « bel oiseau blanc ». Oui. Hein, parce qu'il ressemble à un albatros, bel objet. Un bel objet, au design magnifique, on aura l'occasion d'en reparler. On le décrit comme un chef-d'œuvre, comme une œuvre d'art, comme une merveille. Donc, ça fait appel à des descriptions où les adjectifs sont nombreux. On est dans le superlatif, là. Oui. Il y a déjà tout ça. La tout façon ça. Dont on parle du Concorde participe au mythe. Et après, il y a le cœur, ouais. Les émotions. Parce que Concorde, là, soyons clairs, ça n'a rien à voir avec la tête. Ça a tout à voir avec les émotions. Ça veut donc dire qu'il marque une époque, donc le cœur de toute une génération ou deux générations. Il fascine. Étonnamment, même si, on reviendra là-dessus tout à l'heure, ça coûtait plus de 11 000 $ pour faire l'aller-retour en 2003, Paris-New York, il en demeure pas moins qu'on considère que c'est un avion populaire, ouais. Parce que le peuple se l'est approprié. Il s'agit de penser à tous ces gens qui attendaient le Concorde ou qui le regardaient décoller à chacune des fois qu'il prenait les airs. Et puis, surtout, le mot-clé, il fait rêver. Vous faites bien de le dire tout de suite, dans l'émotion, c'est le rêve, c'est le dépassement, dans la vitesse, dans la fine pointe, mais ce sera, encore une fois, qu'une affaire de cœur, parce que sur le plan, on y reviendra, sur le plan économique, ce sera la catastrophe, cet avion-là. C'est pourquoi, entre autres, il disparaîtra au-delà du fameux crash de 2000. Ce qui est assez extraordinaire, Éric Dussault, pour en rajouter une couche par rapport à cette fascination, c'est qu'elle vient très vite. Elle vient même avant que le Concorde ne fasse son premier vol. Dès la période de la conception de l'avion, on est fasciné. Écoutez, à preuve, André Turcat, pilote désigné du futur Concorde, à l'émission Partage du jour, en 1963. C'est 6 ans avant le premier vol d'essai. Du point de vue des passagers, je vous dirais d'abord qu'ils auront des sentiments assez vifs d'accélération, puisque cet avion, pour pouvoir obtenir les vitesses de croisière qu'il aura, sera surpuissant, et par conséquent, tant l'accélération au décollage que les pentes de montée seront sans doute assez impressionnantes. Et puis évidemment, c'est la rapidité de changement d'ambiance entre Paris et Dakar, entre Paris et New York, et de changement de fuseau horaire aussi, et d'heures dans la journée, n'est-ce pas? On arrivera dans certains sens, dans le sens Europe-Amérique, On y arrivera à une heure locale plus matinale que celle à laquelle on sera parti. Il y aura donc une accoutumance psychologique de ce côté-là. Donc vraiment, l'engouement, il est là. En 1963 déjà, on se projette, ce pilote, André Turcat, se projette dans ce que sera l'expérience Concorde quand il volera véritablement. Le responsable des communications d'Airbus, Jacques Roca, va même dire, Éric Dussault, pour montrer dans quel genre de démesure on est, que le programme de développement de Concorde est comparable à celui d'Apollo, quand même. Tout à fait. Et donc, le pas sur la Lune, c'est 1969. Et... comme par hasard, les tests de Concorde du côté français, c'est 1969 ouais. aussi avec André Turcat. Donc Apollo, Concorde, qu'est-ce qui caractérise dans les deux cas un élément fondamental? C'est les coûts, évidemment. Ouais. Le fait qu'il y a un petit côté petit gars là-dedans, hein? C'est un rêve de petit gars de vouloir aller sur la Lune. Et puis le Concorde, c'est un rêve d'ingénieur aussi. D'ailleurs, on va l'appeler l'avion des ingénieurs parce qu'il y a plein de prouesses là-dedans qui vont être utilisées par la suite dans Airbus, même dans les courses automobiles. On va s'inspirer de ce que Concorde a réalisé. Mais ça demeure quelque chose d'extraordinaire en 1969 à tel point que cette année-là, en France... Concorde vient en deuxième dans les codes d'écoute après la marche de l'homme sur la Lune. Incroyable. Donc, c'est vous dire comment les Français, vous connaissez le coq français, c'est toujours comme ça que je l'appelle à l'émission, qui est très fier de sa nation. D'ailleurs, ils ont tendance à minimiser le rôle des Britanniques et à augmenter le rôle des Français. Alors, c'est la France qui vole à 18 000 mètres d'altitude, ouais. à 2200 km/h. Donc, ils sont fiers de ça, évidemment, et ils regardent à la télévision, parce que la télévision a contribué au mythe du Concorde. Donc, ces records d'audience sont fracassés le jour où l'avion décolle en vol d'essai pour la première fois. Ce qu'on a entendu en début d'émission. Incroyable. Voilà. On va y revenir d'ailleurs. Un mot sur ce partenariat, vous l'évoquiez, oui. Parce qu'on l'oublie parfois, mais Concorde, c'est deux pays qui participent à part égale dans le développement de l'appareil. C'est très, très calculé d'ailleurs, la France et le Royaume-Uni. Dans quel contexte et pourquoi on décide, ces deux pays décident de développer le Concorde? Excellente question. Dès la fin des années 50, autour de 1957, il y a des études du côté français et du côté britannique pour l'avion supersonique. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est très important en histoire. Le mot d'ordre, c'est la vitesse. On pense que l'avenir, c'est de déplacer les gens le plus rapidement possible. On parle de l'aviation civile, évidemment. Oui. Alors, les premières études se font de deux côtés de la Manche. Et puis, finalement, on va en arriver à la conclusion que, compte tenu des coûts importants, ce serait mieux de faire un partenariat. Mais comme historien, un partenariat franco-britannique, c'est quand même pas rien. Hein? Mm-hmm. Alors, d'avoir deux peuples comme ça qui se sont affrontés pendant des centaines d'années et qui vont joindre leur génie pour créer un nouvel avion, le Concorde, et c'est 50-50. Hein? Oui. C'est 50% pour la France, 50% pour les Britanniques. Les coûts dans partagés. Dans l'investissement. Dans les retombées, ça doit être aussi partagé à 50%. Tout à fait. 50-50. Et donc, c'est en 1962, précisément le 29 novembre, qu'on va conclure cette entente-là. Et à partir de là, il va y avoir des installations du côté français, des installations, donc de la fabrication, de la conception qui vont se faire des deux côtés de la Manche. Et là, vous imaginez, ça veut dire que ça prend des ingénieurs qui sont souvent unilingues. Donc là, il faut traduire la paperasse. Il paraît même que les vendeurs de Concorde du côté britannique et du côté français n'avaient même pas les mêmes informations. Donc, tout était dédoublé, ce qui faisait augmenter les coûts. Et il y avait des chaînes de montage dans les deux pays. Et là, il fallait faire prendre l'avion à Concorde ou certaines parties de Concorde pour l'amener à Toulouse, parce que c'est dans le sud de la France que cet avion-là va être conçu. D'ailleurs, certains pilotes ont l'accent aussi du sud de la France. C'est intéressant, de Concorde. Ça nous rappelle ses origines toulousaines. Puisque vous parlez de l'accent, la question, la perche est trop bellement tendue. A priori, on peut penser qu'il y a eu une grande victoire française dans ce partenariat. Concorde avec un E. Oui. À la française. Parce qu'en anglais, c'est Concorde avec un D. Ça se termine là. C'est le général de Gaulle, en 1963, qui a obtenu que Concorde garde son E. Et c'était pour lui une façon de démontrer son ouverture. En fait, les Britanniques ont démontré leur ouverture à l'égard de la France. Et pour la France, c'était une façon, évidemment, de montrer qu'ils avaient gagné une petite bataille, celle du E. Mais pour les Britanniques, c'est intéressant. Le ministre des Transports de l'époque, Tony Benn, considérait que le E était intéressant parce qu'on pouvait y lire « England ». Angleterre, excellence, Europe, entente. Alors, c'est pour ça qu'ils ont cédé sur ce petit point qui a l'air anodin, mais qui était quand même important. Est-ce que l'avion allait porter un nom français ou anglais? Finalement, c'est un nom français. On va le dire, Concorde. On va le dire à voix basse, Éric Dussault, mais s'ils veulent bien comprendre que le E, c'est pour England, c'est leur affaire. L'avion comme tel, vous l'avez un peu décrit, il évoque cet oiseau. Comment décrire cet avion-là? 62 mètres pour le fuselage, 4,3 tonnes en matière de poids. Les moteurs turbo, très importants, Rolls-Royce. Et puis, évidemment, ce nez caractéristique qui se plie, hein, donc qui descend. Il descend, au moment du décollage, il faut que les pilotes puissent être en mesure de voir devant eux. Oui. Donc, le nez va être baissé. Lorsqu'on va monter en vitesse, évidemment, le nez va remonter. Il y a une visière qui vient par-dessus parce que l'avion peut atteindre jusqu'à 127 degrés. À l'extérieur, durant le vol à Mach 2, à plus de 2200 km/h. Donc, le choc thermique est tellement important que s'il n'y avait pas la visière, il y aurait des problèmes. La structure pourrait exploser. Donc, il y a ce nez qui se plie au décollage et à l'atterrissage, et après, il revient droit. Il y a l'aile Delta, qui est une nouveauté en aviation civile, inspirée des avions militaires qu'on concevait à l'époque. Donc, 25 mètres de diamètre, et ça permet à cet avion-là, le Concorde, d'être beau aussi parce que l'aile est intégrée au fuselage. Ils font corps, les deux ensemble. Ce qui a augmenté encore sa beauté. Et ça permet au kérosène. Il y en a 96 tonnes de kérosène pour le vol Paris-New York. Eh bien, ça permet au kérosène d'être constamment en mouvement à l'intérieur de l'aile Delta parce que pour garder la gravité et pour la consommation de kérosène, il y a un technicien à bord du cockpit qui va contrôler constamment les multiples réservoirs et la circulation du kérosène pour refroidir l'avion, mais en même temps permettre au balancier de se faire. Et c'est le 2 mars 1969 que cette petite prouesse technique que vous venez de nous décrire, le Concorde, effectue son premier vol d'essai. Eh bien, nous allons maintenant donc assister à ce premier vol qui est attendu, je vous le rappelle, depuis 2282 jours. Il y a 2282 jours que Concorde est prévu. Et maintenant, enfin, le premier vol. Ce premier vol que 600 journalistes attendent autour de la piste et que vous tous allez voir maintenant en direct. Le voilà. Ça y est. Autour de moi, j'entends des cris de joie, des applaudissements. John, give us the picture, please. Et maintenant, à la vitesse de 350 km/h, qui était celle de son décollage, Concorde grimpe maintenant. Il va grimper à environ 400 mètres à la minute, 1200 pieds, et gagner l'altitude de 3500 à 4000 mètres. Cette première phase d'essai est extrêmement importante. Alors, comment ça se passe, ce premier vol d'essai de 1969, Éric Dussault? Ben là, c'est les limites de la radio, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on regarde l'écran du reportage qu'on vient d'entendre, il y a deux parties à l'écran, parce que les deux Concorde, britannique et français, ont décollé au même moment. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on entendait... On est dans de la diplomatie, faut que tout soit équitable. Oui. Ouais. Et ils ont presque réussi à la seconde près à faire voler l'avion en même temps. C'est vraiment tout près, là. Juste un mot pour dire que 1969, c'est l'année donc de ce premier vol d'essai. Mais l'année suivante, on atteint Mach 2. André Turcot a atteint Mach 2. Donc ça, c'est important. Vitesse du son à plus de 2200 km. On va voler à 18 000 mètres, donc 18 km au-dessus de la Terre pour l'occasion. Et puis, 1975, ce qui va suivre, c'est l'obtention officielle de la licence d'utilisation. Ça veut donc dire que Concorde devient officiellement un avion civil en 75, mais les Américains ne voudront pas accepter que Concorde soit un avion accueilli en sol américain avant 1977. Ah bon, pourquoi? Donc, ben en fait, tout simplement parce qu'il fait du bruit, il pollue, donc il y a des anti-Concorde, et qu'en plus, on l'accuse de nuire à la santé des mères enceintes, par exemple, à cause du bang qui vient du passage du son. Bon, il y a toutes sortes de mythologies autour du son qui accompagne le passage du son que les passagers n'entendent pas à bord. Hein? C'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de l'avion, mais justement parce que c'est à l'extérieur, on va dire que les gens qui sont en dessous de l'avion risquent d'être victimes. On considère que c'est un problème de santé publique. Ouais. Donc, beaucoup de manifestations du côté préoccupation environnementale, santé publique du côté américain, ce qui fait que ce fameux vol, cette liaison qui serait la grande route de Concorde, Londres-New York ou Paris-New York, ça ne se fera qu'avec un peu de en 77, alors que 76, c'est le premier vol en direction de Rio. Le 21 janvier, le tout premier vol du Concorde français. Tout à fait. Paris pour, évidemment, Air France, et à partir de Paris jusqu'à Rio, et Londres, Bahreïn, donc au Moyen-Orient, pour British Airways. Parce qu'on en reparlera, j'imagine, il y a deux seules compagnies qui ont fait voler Concorde. Exactement. Ben pourquoi, parlons-en tout de suite, pourquoi ça reste franco-britannique? Ah, ben parce qu'on avait de grandes ambitions, il y avait plusieurs compagnies aériennes qui avaient fait des promesses d'achat. Et 1973, Jacques, choc pétrolier. Ouais. Et là, c'est la débandade. Les compagnies aériennes vont dire que c'est impossible de se procurer Concorde dans ce contexte-là. Alors, ça explique en partie l'insuccès de Concorde. Il y aura les Russes, quand même, qui feront des essais. Oui. Les Américains, non, je pense. Oui, il y a un essai américain qui s'appelle le SST, un avion supersonique, mais ils abandonnent le projet en 71. Ouais. Alors que les Russes, eux... Écoutez, l'avion est une copie visuelle du Concorde. Donc, on pense encore aujourd'hui qu'il y a eu de l'espionnage industriel. Moi, j'ai pas de preuves de ça, mais il faut voir l'avion, le Tupolev 144. Et cet avion-là va réussir ses tests 2 mois avant Concorde. Vous l'avez dit depuis le début de l'émission, 1969, André Turca fait ses premiers vols d'essai. Mais 2 mois avant, en 68, c'est le Tupolev 144. Donc, on va un peu plus rapidement que la France. Le problème, c'est qu'au salon de l'aviation de Bourget, en 1973, le Tupolev 144 s'écrase. 14 morts. Ouais. Donc là, il n'y a plus de concurrents américains, il n'y a plus de concurrents soviétiques. Tout ce qui reste, c'est le Concorde. Le consortium franco-britannique. Exactement. Entrons donc dans ce fameux avion franco-britannique, le Concorde. Comment ça se passe pour les passagers qui sont à bord? Qu'est-ce qu'ils ressentent à bord de cet avion supersonique? Bien, la plupart sont déçus, Jacques, parce que le problème, c'est que justement, le passage à Mach 1, donc 1100 km, plus de 1000 km/h, et Mach 2, 2200 km/h. Qui est la vitesse du son. Qui est la vitesse du son, voilà. Ouais. Et Mach 2, c'est 2 fois la vitesse du son. À ce moment-là, les gens s'attendent à sentir quelque chose. Puis il y avait tellement eu de tapage médiatique autour de ce passage, de ce bang sonore, que finalement, ils sont déçus. En plus, n'oubliez pas que les hublots à bord du Concorde sont plus petits que les avions qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on n'a déjà pas une très grande vue et en plus, on ne ressent rien. Mais ce qui est important, c'est le décollage. Ouais. 70 tonnes de poussée. Pour vous dire, c'est 4 moteurs d'avions de chasse qui décollent en même temps. 70 tonnes de poussée. Vous êtes carrément collé dans le siège. Et tout le monde a dit que c'était ça qui était impressionnant. Le bruit aussi, qui malgré tout, même quand on est à bord, se fait bien entendre. Vous n'avez pas eu la chance, ni moi, Éric Dussault, de monter à bord d'un Concorde. On écoute l'extrait d'un reportage d'André Payette qui, lui, le chanceux, parce qu'il y avait tout cet engouement de la presse à l'époque, a pu prendre le Concorde et qui raconte son expérience à bord de cet avion à l'émission Le 60 et qui nous dit aussi que ce sera son dernier vol. L'émission Le 60 du 2 mars 1976. Et nous volons, comme vous pouvez le voir, à Mach 2. Pas plus à Mach 2 qu'à Mach 1. 2 fois les vitesses du son, 1500 milles à l'heure. On éprouvera quelques sensations que ce soit. Un beau voyage, oui. Le premier pour moi est sans doute le dernier. Le Concorde, c'est actuellement pour les milliardaires qui font des affaires ou qui veulent se payer des vacances singulières. Le prix du billet est encore trop élevé. 20% de plus que le plein tarif d'une première classe. Et la première classe, c'est déjà 70% de plus que le tarif en classe économique normale. Entre Paris et Dakar, un aller simple pour une personne, 800 $. Dans quelques années, nous pourrons peut-être assister à des vols nolisés 21-45 jours pour les vacances. Mais ça n'est sûrement pas pour demain. Ne prend pas le Concorde qui veut. Éric Dussault, qui prend le Concorde? Les gens riches, je le répète, c'est important. Autour du début des années 2000, c'était plus de 11 000 $ canadiens pour l'aller-retour Paris-New York. Donc, ce sont des gens riches. Célèbre. Il y a des acteurs. C'est recherché, c'est bien vu aussi. Oui. C'est prestigieux de prendre Concorde. Pour utiliser un terme que j'ai retrouvé dans les livres français qui traitent du Concorde, c'est la coolitude. Hein. Pour être cool, à l'époque de Concorde, il a volé, rappelons-nous, 27 ans. Ouais. Pendant ces 27 années-là, si on voulait se faire voir, il fallait prendre le Concorde. Évidemment. Donc, des hommes d'affaires, essentiellement américains, mais il y en aura quand même de d'autres nations. L'élite politique, ça, on y reviendra peut-être, mais les chefs d'État français et britanniques prennent cet avion-là. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une prouesse technique, on l'a vu, une affaire de prestige, on vient de le voir, mais aussi, c'est politique, c'est un outil diplomatique, au moins pour deux pays, la France et la Grande-Bretagne. Ah ben oui, parce que quand on arrive à l'ONU à bord du Concorde, vous imaginez, les autres chefs d'État, eux, utilisent des avions traditionnels, qu'on appelle subsoniques. Alors que le supersonique franco-britannique permet de faire la même distance en moins de temps, en moitié moins de temps. Donc déjà, il y a un prestige. Ensuite, le fait que les gens se bousculent au portillon pour monter à bord, ben déjà, c'est pas rien. Oui. Et j'ai trouvé des statistiques intéressantes. Mitterrand, on rappelle que c'est la gauche, l'a pris 65 fois, hein, quand même, en tant que chef d'État. Alors que, c'est intéressant, Chirac a préféré Airbus, lui, pour ses vols. Donc, c'est un avion qui a vraiment, vraiment une portée politique très claire. 25 juillet 2000, une date importante, écrasement de cet avion. Très peu de temps après son décollage de Paris, l'avion s'écrase. Qu'est-ce qui se passe, Éric Dussault? C'est une pièce de 43 cm en métal qui est sur la piste. D'ailleurs, tristement, c'est un avion... Qui n'est pas une pièce du Concorde. Non, c'est un avion américain qui a laissé tomber une pièce. Et il y a une roue du Concorde, un pneu, qui va accrocher la pièce. Le problème, c'est que le pneu se transforme en projectile. Les projectiles touchent un réservoir et des réservoirs, en fait. Oui. Là, à 80 litres seconde, le réservoir se vide. Évidemment, il y a une flamme qui apparaît. Le Concorde prend feu. Et au bout du compte, s'écrase, explose, tout ça en 2 minutes. Incroyable. Entre le décollage en juillet 2000 et l'écrasement, il y a eu 2 minutes qui se sont écoulées. Et ça, c'est vraiment le début de la fin du Concorde. Il y aura autre chose, d'autres facteurs qui vont expliquer qu'on va renoncer à cet avion. Qu'est-ce qui, au fond, aura raison du Concorde? Je suis content que vous me posiez la question, Jacques, parce qu'on a tendance à penser que c'est vraiment l'accident qui est l'élément essentiel pour expliquer la fin de Concorde. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi des incidents techniques qui sont apparus. Le 11 septembre 2001, il ne faut pas oublier, qui est l'année suivante. Ensuite, les normes en ce qui a trait au bruit et à la pollution qui sont beaucoup plus strictes que précédemment. Et enfin, le prix du kérosène, qui, lui, ne cesse d'augmenter, alors ce qui fait que l'avion Concorde n'est plus concurrentiel. Ouais. Et là, peut-être jamais vraiment été. Ça a été un fiasco économique. C'était vraiment un coup de cœur, un coup de prestige, la volonté de se dépasser, mais ça tenait pas debout économiquement, puis c'est ce qu'on constate près de 30 ans plus tard. En plus que le 747 s'est développé par Boeing en parallèle. Ce qui a tué le Concorde aussi, c'est qu'ils étaient à l'opposé du mouvement qui allait, lui, dans le sens inverse qu'on connaît encore aujourd'hui, diminuer le prix du billet en augmentant le nombre de passagers à bord de l'avion. Regardez, le Airbus 380, c'est ça. Augmenter le nombre de passagers pour diminuer le prix du billet. Alors que Concorde, c'est 100 personnes à bord seulement. Et en plus, ces gens-là payent très cher pour être à bord. Donc, c'est sûr que c'était pas viable. Éric Dussault, historien, ami de l'émission, merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.